Pêcheurs d'Islande, première partie, chapitre 2. Leur navire s'appelait la Marie, capitaine Görmer. Il allait chaque année faire la grande pêche dangereuse dans ces régions froides où les étés n'ont plus de nuit. Il était très ancien, comme la Vierge de Faïence, sa patronne. Ses flancs épais, à vertèbres de chêne, étaient éraillés, rugueux, imprégnés d'humidité et de saumure. Mais sains encore et robustes, exhalant les senteurs vivifiantes du goudron. Au repos, il avait un air lourd avec sa membrure massive. Mais quand les grandes brises d'ouest soufflaient, il retrouvait sa vigueur légère, comme les mouettes que le vent réveille. Alors il avait sa façon à lui de s'élever à la lame et de rebondir, plus lestement que bien des jeunes taillés avec les finesses modernes. Quant à eux, les six hommes et le mousse, ils étaient des Islandais, une race vaillante de marins qui s'est répandue surtout au pays de Paimpol et de Tréguier et qui s'est vouée de père en fils à cette pêche-là. Ils n'avaient presque jamais vu l'été de France. À la fin de chaque hiver, ils recevaient avec les autres pêcheurs, dans le port de Paimpol, la bénédiction des départs. Pour ce jour de fête, un reposoir, toujours le même, était construit sur le quai. Il imitait une grotte en rocher, et au milieu, parmi des trophées d'ancre, d'aviron et de filets, trônait douce et impassible la Vierge, patronne des marins, sortie pour eux de son église, regardant toujours, de génération en génération, avec ses mêmes yeux sans vie, les heureux pour qui la saison allait être bonne, et les autres, ceux qui ne devaient pas revenir. Le Saint-Sacrement, suivi d'une procession lente de femmes et de mères, de fiancées et de sœurs, faisait le tour du port où tous les navires islandais, qui s'étaient pavoisés, saluaient du pavillon au passage. Le prêtre, s'arrêtant devant chacun d'eux, disait les paroles et faisait les gestes qui bénissent. Ensuite, ils partaient tous, comme une flotte, laissant le pays presque vide d'époux, d'amants et de fils. En s'éloignant, les équipages chantaient ensemble à pleine voix vibrante les cantiques de Marie, étoile de la mer. Et chaque année, c'était le même cérémonial de départ, les mêmes adieux. Après recommençait la vie du large, l'isolement à trois ou quatre compagnons rudes sur des planches mouvantes au milieu des eaux froides de la mer hyperborée. Jusqu'ici, on était revenu. La Vierge étoile de la mer avait protégé ce navire qui portait son nom. La fin d'août était l'époque de ses retours, mais la Marie suivait l'usage de beaucoup d'Islandais qui est de toucher seulement à Paimpol et puis de descendre dans le golfe de Gascogne où l'on vend bien sa pêche et dans les îles de sable à marais salants où l'on achète le sel pour la campagne prochaine. Dans ces ports du midi que le soleil chauffe encore, se répandent pour quelques jours les équipages robustes, avides de plaisir, grisés par ce lambeau d'été, par cet air plus tiède, par la terre et par les femmes. Et puis après les premières brumes de l'automne, on rentre au foyer à Paimpol, ou dans les chaumières éparses du pays de Goëlo, s'occuper pour un temps de famille et d'amour, de mariage et de naissance. Presque toujours, on trouve là des petits nouveau-nés conçus l'hiver d'avant et qui attendent des parrains pour recevoir le sacrement du baptême. Il faut beaucoup d'enfants à ces races de pêcheurs que l'Islande dévore.